Je m'en fus trouvé ma maîtresse, je m'en fus trouvé ma maîtresse, vers les 11 heures à la minuit, par la fenêtre de son lit, vers les 11 heures à la minuit, par la fenêtre de son lit. Mignonne, mignonne, dormez-vous. Mignonne, mignonne, dormez-vous. Si vous dormez, réveillez-vous. C'est votre amant qui parle à vous. Si vous dormez, réveillez-vous. C'est votre amant qui parle à vous. Non, non, je ne dors ni ne sommeille. Non, non, je ne dors ni je sommeille. Toutes les nuits, je pense à vous. Mon cher amant, marions-nous. Toutes les nuits, je pense à vous. Mon cher amant, marions-nous. J'en parlerai donc à ton père. J'en parlerai donc à ton père. Et à ta mère, si elle veut, nous nous marierons tous les deux. Et à ta mère, si elle veut, nous nous marierons tous les deux. Bon paysan, donne-moi ta fille. Bon paysan, donne-moi ta fille. Elle est trop jeune, elle n'a 15 ans. Faites l'amour en attendant. Elle est trop jeune, elle n'a 15 ans. Faites l'amour en attendant. Non, non, l'amour, je ne puis la faire. Non, non, l'amour, je ne puis la faire. Je l'ai faite 2 ans passés, et je trouve que c'est bien assez. Je l'ai faite 2 ans passés, et je trouve que c'est bien assez. Je m'en irai sur ces montagnes. Je m'en irai sur ces montagnes. Sur ces montagnes, sur ces rochers, pour y pleurer mon temps passé. Sur ces montagnes, sur ces rochers, pour y pleurer mon temps passé.